Une vision aussi pâle de ton cœur devenu sale. Je ne peux que te gâcher l'enthousiasme de la jeunesse. Me manque terriblement, me manque l'imprudence, l'innocence, l'insouciance. J'étais si jeune et fier, je pensais être un prophète, quelqu'un qu'on écouterait. J'avais cru pouvoir refaire les portes de l'enfer et que la joie apparaîtrait et tenir ta main. Je pensais regarder toujours le soleil couchant, pouvoir enfin pardonner, avoir de la bonté, au fond du cœur, une âme ensouillée. Mais je me suis pourri, foutu, je me suis pourri, je n'ai que haine dans le chair, je méprise mes semblables, je voudrais qu'ils meurent. Tous et toutes et moi avec tout, démolir ce qui a été fait, remettre la terre aux normes comme l'on n'est rien dans cette humanité, comme je ne suis rien où j'ai pu habiter, comme l'on n'a rien à perdre, enfin rien à gagner. On s'en va comme on vient, sans personne à serrer. On a pu se prendre pour un roi devant nos semblables, mais semblant d'exister, d'être grand, de gagner comme ces paradis illusions que tu crées. Il n'y a rien de si fort que tu ne puisses te passer, qu'illusion de berceau, qu'illusion. Dans le dos.